Histoire du Canada. Une série de 25 émissions examinant certains aspects du développement de la socio-économie canadienne depuis ses origines jusqu'aux années 1980. Ici Gilles Paquet. Au cours de la dernière émission, nous avons vu comment des rapports complexes et variés se tissent, s'approfondissent entre la socio-économie canadienne et l'économie américaine dans l'entre-deux-guerres. L'intégration économique des deux pays progresse lentement et prend des formes nouvelles, par osmose, par emprunt, par effet de retombée ou simplement de par les rapports que tissent, sans le vouloir, la contiguïté, la socio-économie canadienne commence de vivre encore plus au rythme de la vie économique américaine. Mais les grandes perturbations des années 30 révèlent que le Canada, s'il réagit à peu près comme les États-Unis à la Grande Dépression, ne réagit pas tout à fait et toujours de la même façon et avec la même intensité. Les réseaux économiques et financiers, privés et publics, qui forment la trame de la socio-économie canadienne, ont jusqu'à un certain point un tonus propre. Aujourd'hui, dans la 22e émission de notre série, et la 4e et dernière que nous consacrons à l'entre-deux-guerres, nous examinerons ces réseaux économiques et financiers en train de naître. L'architecture des institutions financières et économiques canadiennes va se transformer dans l'entre-deux-guerres. C'est une période, on l'a dit, où l'activité économique se concentre. Comme on l'écrira dans le rapport de la Commission royale d'enquête sur les écarts de prix en 1935, il y a eu quelque 375 consolidations fusionnant plus de 1100 entreprises dans le premier tiers du XXe siècle. Près de 250 de ces consolidations, impliquant plus de 650 entreprises, vont se faire entre 1924 et 1930. L'entreprise devient une denrée que l'on construit, que l'on transforme, que l'on achète et vend comme n'importe quelle autre denrée. Et l'on assiste à une concentration de plus en plus grande du pouvoir économique entre les mains d'un groupe de chefs d'entreprise restreint dans la plupart des secteurs. Entre 1923 et 1933, les actifs des 100 plus grandes entreprises, hors du secteur financier, vont passer de 5 à plus de 7 milliards de dollars, une augmentation de 44%. Et si l'on exclut les 5 grandes compagnies de transport, la croissance des actifs est de l'ordre de 84% pendant cette période. Côté financier, la grande vague de concentration est encore plus forte peut-être. On aboutit, dans les années 30, à un système bancaire qui a à peu près les contours du système d'aujourd'hui. Le nombre de banques est passé de 41 en 1890, à 22 en 1914, à 10 en 1928. Cela ne va pas vouloir dire, cependant, que le système bancaire va garder son importance relative dans le système financier canadien. En fait, le grand conservatisme du système bancaire canadien, qui se confine largement au crédit commercial, va vouloir dire qu'à mesure que l'industrialisation s'enracine au Canada, d'autres intermédiaires financiers, comme les sociétés de fiducie, les compagnies d'assurance, les sociétés et banques de placement, vont venir prendre une part de plus en plus importante dans les réseaux financiers canadiens. En 1870, les banques à charte possédaient presque les trois quarts des actifs des intermédiaires financiers canadiens. En 1930, c'était tombé à 45%. Mais les banques demeuraient évidemment au centre de tout cet appareil économico-financier. Certains ont même pu les accuser d'avoir, par leur conservatisme justement, un conservatisme tout à fait dans la tradition des banques britanniques, d'avoir causé les progrès plus lents de l'industrialisation au Canada. Même si cette théorie du contrôle financier par les banques à charte ne semble pas résister à l'analyse, les grandes banques à charte vont demeurer le point de ralliement de la bourgeoisie canadienne, et l'on peut reconstruire l'histoire des groupes financiers importants qui se profilent dans l'entre-deux-guerres au Canada à partir des conflits concours de quelques grandes banques, centres de gravité autour desquels se cristallisent les grands réseaux d'influence économique au pays. Gilles Piedalu est un historien du monde des affaires et des réseaux financiers canadiens. Il travaille à l'Université du Québec à Montréal. À la fin des années 1890, après l'annexion du groupe des Maritimes, il y a consolidation du groupe financier de Montréal avec le groupe financier de Toronto. À partir de 1910, on peut dire que le groupe de la Banque de Montréal, communément appelé, et le groupe de la Banque canadienne de commerce, toutes les sociétés qui tournent autour du groupe torontois, forme un groupe assez bien intégré, un réseau là, assez compact là, de sociétés et d'intérêts. Mais à la faveur des événements, par exemple de la guerre, il y a une dissociation de ce groupe-là qui se produit dans l'espace d'une dizaine d'années. Un nouveau groupe se développe à partir de 1900 environ. Finalement, un peu les morceaux éclatés de certains intérêts des maritimes se reforment, ou ces intérêts de groupes montréalais, pour former ce qu'on appelle communément le groupe de la Banque royale. Et ce groupe-là, maintenant, agit comme un coin, visant à faire éclater le bloc principal unissant la Banque de Montréal à la Banque canadienne de commerce de Toronto. À quel moment est-ce que ce coin va réussir à créer la scission, la brisure à l'intérieur de ce groupe financier intégré? On peut dire que dès 1924, l'éclatement est produit et une nouvelle alliance est formée entre maintenant le groupe de la Banque de Montréal et le groupe de la Banque royale, poussant à l'écart, toujours un peu plus vers l'ouest, le groupe de la Banque canadienne de commerce de Toronto. Cette scission dans les années 1920 va créer, M. Piedalu, des groupes financiers, des réseaux financiers contrastés. Est-ce que il y a des contrastes vraiment très importants entre les activités, la composition, le personnel, l'allure, le ton de ces deux groupes financiers? Pour résumer, là, grossièrement, la situation des groupes, on peut généralement caractériser, par exemple, le groupe de la Banque de Montréal et le groupe de la Banque royale, là, qui forme maintenant un groupe assez bien intégré, là, au tournant des années 20, d'un ton caractérisé par le capital britannique. Tandis que le groupe de Toronto est toujours plus marqué par la pénétration du capital américain. D'ailleurs, sa situation dans le centre des États-Unis, le contact presque étroit entre Toronto et les principales villes américaines du centre-ouest, il y a un rapport de proximité qui est établi. Donc, une circulation du capital beaucoup plus facile que dans l'est. Est-ce qu'on peut parler de ce groupe autour de Toronto comme étant plus proprement du capital industriel et ce groupe autour de Montréal comme demeurant malgré tout plus intéressé à un travail de capital financier commercial? Non, je crois pas qu'on puisse faire cette distinction-là. Les groupes sont quand même assez bien intégrés. Ils couvrent à peu près tous les secteurs de l'activité économique, à la fois le secteur financier, commercial, industriel, services, transports, etc. Non, c'est vraiment des conglomérats d'intérêts. Est-ce qu'on va assister à un conflit de ces deux groupes financiers pour se donner une hégémonie sur l'ouest du pays aussi? Évidemment, la course vers l'ouest a déjà commencé depuis un bon bout de temps, depuis les années 1890 au moins. L'expansion vers l'ouest est nécessairement captée plus facilement par le groupe de Toronto, qui est déjà en position géographique avantageuse par rapport aux gens de Montréal. Mais quand même, le groupe de la Banque de Montréal et de la Banque royale contrôle, par exemple, une société ferroviaire très importante qui est le Canadien Pacifique et la compagnie de la Baie-d'Hudson. C'est quand même des sociétés qui sont bien implantées dans l'Ouest puis qui irriguent à peu près toute la région. Tout ce monde bancaire va vivre une période de tension entre les deux guerres. C'est une période de débat pour savoir qui va contrôler la masse monétaire. Et en un sens, ce débat a valeur exemplaire, car en fait, il pose la question centrale du rôle du gouvernement, d'un gouvernement qui, insensiblement, va passer du rôle de participant presque passif à celui de gestionnaire du système financier. Le gouvernement va commencer d'affirmer son rôle nouveau à l'occasion de la dernière, mais aussi de la plus spectaculaire faillite dans le monde banquier canadien, la faillite de la Home Bank en 1923. Une commission d'enquête sur les causes de la faillite révèle certaines irrégularités, mais surtout les insuffisances du processus de contrôle instauré par la loi des banques de 1913. On va mettre sur pied une section spéciale du ministère des Finances chargée d'établir un contrôle plus serré sur les banques à charte. Les banques s'opposent, mais doivent accepter cette intervention timide du gouvernement. En fait, on peut dire que jusque-là, les banques à charte avaient eu la possibilité de compter sur le ministère des Finances comme banquier de dernière instance, c'est-à-dire comme banquier des banquiers, un rôle qui est maintenant celui de la Banque du Canada, et ceci sans avoir à subir un contrôle étroit du gouvernement. C'est pourquoi d'ailleurs les banques à charte vont s'opposer à la création de la Banque du Canada. On n'en sent pas le besoin. Mais la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, avait été créée en 1913. Et l'on sentait bien au Canada, dans les années après 1914, qu'avec l'abandon de l'étalon or, c'est-à-dire d'une discipline imposant une limite à la masse monétaire, une autre discipline, gouvernementale celle-là, pourrait être nécessaire. Après le second abandon de l'étalon or, à la fin des années 20, au moment où la chute précipitée des réserves d'or commande une réduction de la masse monétaire, une réduction qu'on se refuse à effectuer, et puis avec la contraction sauvage de la masse monétaire au cours de la Grande Dépression, on sent le besoin d'une discipline gouvernementale sur la monnaie. Le débat entre les banques qui ne veulent pas de ce contrôle et le gouvernement qui en sent la nécessité va être formellement réglé en 1935 avec la création de la Banque du Canada. Mais le conservatisme du monde bancaire canadien, par comparaison, par exemple, au monde bancaire allemand, plus près de l'industrie, lui, eh bien, il va laisser un manque dans la trame institutionnelle au Canada, ce qui fait que l'on va voir apparaître des sociétés de placement, et on va voir aussi l'importation au Canada d'une institution américaine, la banque de placement. Georges Niozi est un spécialiste de sociologie économique qui a étudié ces institutions financières nouvelles. Il nous en parle. Les banques de placement. Aujourd'hui, elles ne peuvent pas s'appeler banques de placement. On les appelle tout simplement maisons de courtage. Mais ces grandes banques de placement, comme par exemple Wood-Gundy, Nesbitt Thompson ou Ames & Company, ces grandes banques de placement qui ont été fondées avant la Première Guerre mondiale, ont fait énormément d'argent au cours de la Première Guerre mondiale avec du Trésor canadien. Alors, ces grandes banques de placement sont sorties très renforcées de la Première Guerre mondiale. Elles avaient énormément de fonds à investir. Et il leur manquait des affaires. Il leur manquait leurs marchandises spécifiques, à savoir des titres. Et par conséquent, elles étaient très intéressées à produire cette marchandise spécifique, leurs titres, des actions. Et les moments de fusion, de consolidation de sociétés étaient des moments clés pour ces sociétés-là, puisque souvent les grandes banques de placement achetaient un certain nombre de sociétés dans le secteur, les fusionnaient et vendaient les titres de la nouvelle grande société sur le marché. C'est un peu ce que JP Morgan a fait aux États-Unis avec des secteurs comme les chemins de fer, comme l'industrie de l'acier avec la United States Steel ou le nickel, etc. Donc, on a un peu des grandes compagnies financières qui se sont donné une première vie économique à l'occasion de la Première Guerre mondiale. Mais est-ce que dans l'après-guerre, on ne va pas trouver dans les titres du gouvernement assez pour s'occuper? Les marchés canadiens des titres n'étaient pas aussi importants que lors de la guerre. Ces grandes sociétés, avec l'aide du gouvernement, ont fait énormément d'argent avec la mise en marché des titres. En fait, c'est vraiment pendant la Première Guerre mondiale que les marchés canadiens des obligations est né. Mais à partir de la fin de la guerre, le gouvernement émet beaucoup moins de titres et les sociétés ont des profits immenses à réinvestir. Alors, plusieurs de ces sociétés-là utilisent leurs titres pour acheter des compagnies, les fusionner et revendre leurs titres sur les marchés avec des profits très élevés. Évidemment, ça implique du mouillage d'actions, ça implique des actifs, gonflé dans les états financiers des sociétés. Et alors, ça implique des sociétés qui sont très grandes en réalité, mais encore plus grandes sur les papiers. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement par mouillage d'action, monsieur Niozi? Alors, supposons qu'on a 5 compagnies qui ont chacune un capital action de 10 millions de dollars sur les papiers. Si un banquier de placement achète ces 5 sociétés, mettons qu'il les achète complètement, il met 50 millions de dollars. Ensuite, il réévalue les actifs, et par conséquent, il réévalue l'autre colonne, la colonne du passif et du capital action, et il trouve que la société a en réalité a une valeur au livre, au capital action, de 100 millions de dollars. À ce moment-là, il va mettre sur le marché des actions pour une valeur de 100 millions de dollars. Et il y a 50 millions de dollars de profit que les banquiers en question font. Plus tard, il y aura des actionnaires qui réclament des dividendes pour 100 millions de dollars, pas pour 50. Mais la compagnie ne possède des actifs de l'autre côté, je ne dirais pas pour 50, peut-être pour un peu plus, mais la compagnie possède des actifs qui sont quand même limités et il faut payer des profits. C'est ça qui explique en bonne partie, puisque le même processus s'est produit aux États-Unis, la crise boursière colossale de 1929. À un moment donné, les compagnies ne pouvaient plus payer des dividendes sur tant d'actions qui avaient été émises sur le marché. Et un peu le château des cartes est tombé par terre. Si ces pratiques financières des années 20 vont entraîner la catastrophe boursière des années 30, elles vont aussi entraîner des ajustements dans les règles du jeu financier canadien, ajustements qui vont entraîner un déclin dans l'importance des banques d'affaires après 1930. Cela est attribuable tout autant à la chute du volume de titres corporatifs émis qu'à la concurrence créée par l'entrée des banques à charte sur le marché des titres fédéraux et à la mise en place de législations plus sévères pour contrôler les activités sur le marché des valeurs mobilières. Mais la crise des années 30 ne va pas frapper aussi durement tout le monde financier, pas aussi durement que le monde industriel tout au moins, un monde industriel que le refinancement systématique des années 20 a considérablement affaibli. Georges Niozi. Pendant ces 20 années d'entre-deux-guerres, il n'y a que 6 ou 7 ans d'expansion, finalement. Et au cours de ces 6 ou 7 années, on voit d'une part la consolidation des banques de placement canadiennes, et deuxièmement aussi la concentration énorme dans le secteur des banques à charte, puisque au début de la crise, il ne restait plus que 11 banques à charte au Canada. Donc, la période des années 20 est une période de consolidation, de fusion, de réorganisation industrielle complète. Là où il y avait 30 ou 40 sociétés, il ne restait plus que 2, 3 ou 4 ou 5 des fois sociétés dominantes dans chaque industrie. Dans la plupart des secteurs, il ne restait que 2, 3, 4 sociétés qui, elles, contrôlaient 60, 70, 80% de la production des biens de produits de base. Et en fait, c'est un oligopole qui s'est produit. Des oligopoles où la concurrence était souvent limitée au marketing, à la publicité, etc. et beaucoup moins, si vous voulez, au prix. Comment est-ce que ce monde de la finance canadienne va passer à travers la Grande Dépression? Et le monde de la finance canadienne est passé trop confortablement à travers la récession. Aux États-Unis, il y a eu très grande commission d'enquête justement sur le monde de la finance qui aboutit à de nouvelles lois 1933-1934 régissant le commerce de valeurs mobilières, régissant les normes de concentration, régissant aussi l'information qui doit être donnée au public sur l'émission des titres, l'émission de nouvelles actions, etc. Alors, au Canada, il y a eu la commission Stevens qui a rendu son rapport aussi, la commission sur les écarts des prix, et rendu son rapport en 1935, un rapport qui est quand même assez important, assez intéressant. Il y a beaucoup d'informations sur ce genre d'agissement des milieux financiers, mais dans l'ensemble, on peut dire que les mondes financiers s'en étaient tirés convenablement. Il n'y a eu aucune société, à ma connaissance, qui a été démembrée parmi les nouvelles grandes sociétés qui ont été formées aux années 20. À ma connaissance, aucune banque de placement a été pénalisée pour avoir vendu des titres au public, des titres qui ne valaient plus rien, ou des actions qui ne payaient plus de dividendes. Et par conséquent, le monde de la finance s'en est convenablement tiré de la crise. Est-ce que le monde industriel, qui était l'autre versant de cette réalité économique canadienne, s'en est tiré tout aussi bien, M. Niozi? Non, lui, il s'est tiré plutôt mal. Parce que, par exemple, à ma connaissance, toutes les compagnies d'action ont fait faillite, sauf Telco. Et toutes les compagnies de papier ont fait faillite, sauf les filiales américaines. Et ça montrait évidemment une manipulation énorme des instruments de dette de la compagnie, qui a été faite au cours des années 20, justement. Et si, par exemple, une société comme Stelco n'a pas été touchée, c'est parce qu'elle n'avait pas été l'objet de fusion ou des refinancements, comme on appelait ça de façon un peu plus sophistiquée, par des banquiers de placement. Évidemment, les sociétés américaines non plus, puisque c'est souvent des filiales à contrôle absolu ou majoritaire. Et par conséquent, il n'y avait pas eu d'activité de fusion ou de concentration sur ces sociétés-là. Si le paysage des réseaux financiers privés va changer grandement dans l'entre-deux-guerres, si l'on voit le gouvernement canadien s'insérer dans ces réseaux financiers pour les mieux contrôler, cela ne se fera pas d'un coup. En fait, certains ont pu dire que si les institutions de contrôle sont mises en place dans les années 30, l'usage effectif de ce pouvoir gouvernemental ne va venir que bien plus tard. C'est que le gouvernement n'assume pas de plein gré ces rôles nouveaux que lui impose la Grande Dépression. Il n'existe, à l'époque, aucune philosophie pour rationaliser une telle intervention. Le laisser-faire est l'idéologie dominante, et les responsabilités, tout comme les risques, sont considérées comme fondamentalement individuelles. On a l'impression que les gouvernements sont entraînés de force, sous le coup de la catastrophe, à réagir timidement, rassurant tous ceux que ce rôle agrandi du gouvernement pourrait inquiéter, et il en est beaucoup, en répétant que tout ce train de mesures est temporaire. C'est que l'État, pour la première fois, semble moins réagir aux demandes de sa clientèle naturelle d'intérêt économique qu'à des demandes de citoyens, de municipalités, de provinces en détresse. On va donc voir se construire une architecture nouvelle du secteur public, mais sans que l'on puisse parler d'un plan d'ensemble. L'idée même d'aide sociale répugne aux politiciens dans les débuts, ainsi que nous l'explique Alan Moscovitch, un économiste à l'école de service social à l'université Carleton, un économiste qui s'est spécialisé dans l'étude de l'évolution des politiques sociales au Canada. Dans la campagne de l'élection en 1930, entre les conservateurs et les libéraux, une des questions très importantes dans l'élection, c'était la question de l'aide sociale. Et les conservateurs ont mené leur campagne contre une intervention de l'État pour créer un système, un programme d'aide sociale systématique. Dans les années 30, sous Bennett et le gouvernement de Bennett, il y avait chaque année, de 1930 à 1935, une loi passée chaque année pour passer les subventions de l'aide sociale dans cette période. Mais seulement année par année, ce n'était pas encore un programme statutairement établi. Exactement, exactement. Bennett a refusé d'établir un programme permanent. Et c'est très important qu'on en parle d'un état de bien-être, qu'on parle d'un changement permanent, pas un changement d'année à année. Donc, aucun changement important dans les années 1930 au plan des institutions sociales, si on parle d'institutions permanentes. Tout ça demeure de l'aide sociale temporaire. On s'imagine que c'est purement un phénomène qui va passer. Au plan de législation gouvernementale, il y a peu de choses qui restent de cette période. Mais il faut souligner, par exemple, que dans le plan de Bennett, qui était annoncé en janvier 1935, il y avait la première mention d'un programme d'assurance sociale pour les chômeurs. Au commencement de la période, il y avait peut-être, on peut dire, la naissance d'un groupe, ce qu'on dit les réformeurs sociaux. Par exemple, il y avait en 1931 la fondation à Toronto et à Montréal d'un regroupement, la Ligue de reconstruction sociale, qui était une force très importante au Canada dans les années 30, une force très importante, la force intellectuelle, dans la fondation du Parti social-démocrate, le prédécesseur de NPD au Canada, le CCF. Il y avait une réaction très morale aux conditions qu'on pourrait avoir, qu'on voyait à ce temps-là dans les rues, dans les villes et dans l'industrie. Et c'est surtout cette réaction morale que donnait naissance au regroupement de Ligue de reconstruction sociale. Ils ont publié beaucoup d'études sur les conditions sociales dans la période. On pourrait donner un exemple de l'ouvrage de Harry Cassidy à Toronto, qui a agi comme secrétaire d'une commission royale de l'Ontario sur les conditions sociales au milieu de la ville de Toronto. dans les slums, dans les bidonvilles. Aussi, il y avait l'ouvrage de Leonard Marsh, qui était le directeur d'un institut de recherche sociale à l'université McGill. Le premier considération, la position des classes sociales au Canada dans son livre Canadians in and Out of Work, publié en 1938. Ces demandes nouvelles en provenance des syndicats ouvriers, des groupes réformistes, du parti CCF aussi, auront beau être bien documentées, l'appareil gouvernemental ne va y répondre que bien lentement. D'autant plus que les milieux d'affaires et les formations sociales traditionnellement influentes, celles qui sont près des définisseurs de situation dans le gouvernement, ne feront pas l'accord sur ce qu'il faudrait faire au Canada dans les années 1930. Rappelons que le mouvement de concentration industrielle des années 20 a laissé l'économie canadienne aux mains d'un groupe somme toute assez restreint de chefs d'entreprise, dont Mackenzie King, dans son journal intime, dira qu'il constitue une sorte de gouvernement invisible. Ce gouvernement invisible, certains ont tenté d'en repérer les contours. C'est le cas d'Eugène Forcé, qui, dans la revue Canadian Forum, en octobre 1933, analyse le degré de concentration du pouvoir économique dans la plupart des secteurs et le degré de cumul des fonctions au niveau des administrateurs, cumul qui font que le même petit groupe de personnes s'entremêle au sommet. 3 des 10 banques contrôlent 70% des activités bancaires. 4 des 47 sociétés de fiducie contrôlent 77% des opérations. 3 groupes, écrira Forcé, le groupe de Sir Herbert Holt, le groupe Nesbitt Thompson Killam et le groupe International Power and Paper, contrôlent 80% de l'industrie. Sir Herbert Holt était président de 27 entreprises importantes et siégeait sur le conseil d'administration de 300 autres. Les milieux d'affaires bien intégrés vont réclamer des réformes, mais des réformes différentes de celles que demandent les réformistes et les syndicats. Même si les hommes d'affaires canadiens ne font pas l'unité sur un programme de réforme commun, ils vont faire du lobbying. Ils voudront surtout éliminer la concurrence avec l'aide du gouvernement, mais aussi ils réclameront des mesures pour assainir l'économie canadienne, pour la stabiliser. Mais, ainsi que l'explique Alvin Finkel, un historien à l'université d'Alberta à Edmonton, même si les hommes d'affaires sont près du gouvernement, souvent ils ne s'entendent pas sur le type d'intervention qu'il voudrait obtenir. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui sont dans le gouvernement. Par exemple, le premier ministre R.B. Bennett était un très grand homme d'affaires. Il y a aussi beaucoup d'hommes d'affaires dans la fonction publique. Les hommes de gouvernement donnent un grand appui au système économique. On ne veut pas dire que l'État est toujours à la service des hommes d'affaires. Les hommes de gouvernement donnent un grand appui au système économique. On ne veut pas dire que l'État est toujours à la service des hommes d'affaires parce que le gouvernement doit aller au peuple, mais il y a un rapport très proche. Ce rapport très proche entre l'État et les milieux d'affaires ne sera pas un rapport homogène. Certains sous-groupes de ce milieu d'affaires vont être en faveur d'une intervention gouvernementale plus importante dans les années 1930, d'autres vont s'y opposer. Oui, je pense que les banques et les fabricants sont les hommes d'affaires qui ont donné le grand appui à l'intervention. Beaucoup des municipalités sont près de faillite dans les années 30 et les banques sont très concernées de cette situation. Et il y a beaucoup d'hommes d'affaires dans les banques qui ont dit qu'il faut avoir des programmes d'assurance chômage, assurance médicale fédérale pour donner une relève aux municipalités. Mais on a aussi les hommes dans les secteurs exportatifs et ces hommes sont contre les programmes comme l'assurance chômage parce que il ne dépend pas sur le marché canadien, il dépend sur le marché étranger. Si un fabricant, comme par exemple les fabricants de textiles ou des vêtements, ils dépensent sur le marché canadien pour vendre leurs produits. Et si on a une économie qui est totalement déprimée, ce n'est pas possible pour ces compagnies de faire des profits. Mais si on a des programmes d'assurance chômage, des programmes qui levaient les revenus du peuple du Canada, c'est bon pour les affaires des fabricants et des banques. Mais ce n'est pas le cas pour les exportateurs. Le marché est le monde, pas le marché canadien. Et puis, pour eux, les programmes sociaux sont simplement des taxes. Si l'accord est loin d'être fait sur la nature des réformes à mettre en place, il faut aussi dire que l'appareil étatique est particulièrement mal préparé à faire face à ces demandes. Le réseau des finances publiques est fort décentralisé et les responsabilités, souvent, n'incombent pas aux gouvernements les mieux préparés ou les mieux équipés financièrement pour y faire face. En fait, tout l'appareil des finances publiques canadiennes est un peu une jungle. L'appareil étatique est éclaté et les mécanismes d'harmonisation des politiques inadéquats. Caroline Pestiot est économiste à l'Institut de recherche CDR. Elle a étudié le paysage fiscal canadien. Je lui ai demandé à quoi ressemblait ce paysage fiscal en 1930. En 1930, il y avait une espèce de premier sommet de la décentralisation. Si on regarde les dépenses des différents niveaux du gouvernement, le fédéral dépensait autour de 30% de toutes les dépenses et les provinces et les gouvernements locaux autour de 70%. C'était la même année 30 où le gouvernement fédéral a finalement reconnu le droit des provinces de l'Ouest au contrôle de la propre ressource naturelle. Alors là, vous avez une espèce de sommet de la décentralisation. Pendant les années 30, à part des actes de miséricorde, si vous voulez, il n'y avait pas de raison pour laquelle le gouvernement fédéral intervienne pour aider les chômeurs, pour aider les personnes âgées qui n'avaient plus aucun moyen de subsistance. Il n'y avait rien de prévu. D'ailleurs, il y a, je pense, un mémoire qui vient des provinces maritimes où ils demandent carrément la charité. Et ça, c'est cité dans la commission Royal-Sirois. Ils n'ont pas droit. Ils demandent la charité. Alors ça, on se rendait compte que c'était une situation intolérable et la commission a appris que l'acceptation par le gouvernement central de la responsabilité pour la sécurité minimum, au moins pour les personnes âgées, et une certaine responsabilité pour l'assurance chômage. Alors, il y a eu des modifications constitutionnelles à cette époque pour permettre cela. Cela coïncidait très bien avec un changement idéologique, si vous voulez, dans l'économie politique, qui suivait la mise en œuvre des idées de Keynes en Angleterre, et aussi coïncidait un peu avec le New Deal aux États-Unis, c'est qu'un gouvernement central soit responsable de la gestion de la demande, et en l'occurrence en temps de dépression, donc courir un déficit pour stimuler la demande, pour qu'il y ait du travail pour les gens, quitte au moment d'une remontée économique, évidemment, renflouer ses coffres et avoir un surplus budgétaire. Pendant les années 30, on s'est rendu compte que cela ne s'est pas fait, et évidemment, les provinces des prairies étaient complètement ruinées, et les différents gouvernements provinciaux, qui avaient très peu d'expérience dans la gestion de la demande, comme tous les pays, mais c'était des tout petits gouvernements, en fait, ont essayé d'imposer chacun à leur tour des impôts pour ramasser des recettes, pour dépanner les gens qui étaient vraiment dans la misère. Et à cette époque-là, nous avons connu ce qu'on appelait une espèce de jungle fiscale. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune harmonisation des politiques fiscales. Le gouvernement fédéral n'osait pas prendre la responsabilité d'essayer de dépanner le monde. Alors, cette situation, qui était assez catastrophique, a conduit à l'établissement de la commission Royal-Sirois. Alors, Royal-Sirois, ils ont donné leur rapport au commencement de la guerre, mais les gens étaient bien trop occupés pour en tenir compte. Et une fois fini la guerre, on se tournait vers ce rapport qui essayait d'expliquer un peu qu'est-ce qui est arrivé pendant les années 30, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter une répétition du misère, la misère qui a connu les prairies, mais aussi les maritimes. La commission Royal-Sirois va devoir faire face au problème de la répartition des compétences fiscales, au problème d'un nouveau partage des juridictions. puisqu'il semblait clair à tout le monde que le système des finances publiques n'était pas bien ajusté aux besoins d'une socio-économie canadienne qui voulait pouvoir répondre à ses demandes de réforme et le faire non plus d'une façon ad hoc, mais d'une manière susceptible de résoudre les problèmes créés par la Grande Dépression et d'empêcher qu'une telle crise ne se reproduise. Elle va aussi, cette commission Raoul-Sirois, devoir reconnaître que la mise en place d'institutions nouvelles ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est une philosophie nouvelle, puisque la mise en place de la Banque du Canada en 1935, par exemple, n'a pas vraiment entraîné automatiquement une intervention effective, la mise en place immédiatement d'une politique monétaire de relance. Pour la première fois dans un document semi-officiel, on voit dans le rapport de la commission Raoul-Sirois ce concept nouveau d'un budget fédéral comme instrument pouvant être utilisé pour exercer une influence directe sur l'économie. La commission ne promet pas qu'un programme d'impôts et de dépenses publiques compensatoires va nécessairement être parfaitement efficace dans la stabilisation de l'économie. En fait, c'est un rapport qui présente une approche générale, une philosophie nouvelle, sans le battage extravagant de promesses que d'habitude on attache à l'arsenal des politiques économiques keynésiennes. La commission Raoul-Sirois s'inspire d'un keynésianisme très très prudent. Pour effectuer la réalisation de ce budget économique stabilisateur, la commission a certaines recommandations précises. Gérard Bélanger, un économiste spécialisé en finances publiques qui enseigne à l'Université Laval, nous parle de certaines de ses recommandations. La commission Raoul-Sirois a eu plusieurs recommandations. On peut en tenir deux. La première, c'est transférer au gouvernement fédéral le secours aux chômeurs. En un mot, on a vu durant la crise que les provinces et les municipalités ont eu un endettement très fort parce que la compétence, c'est eux qui avaient la responsabilité d'aider les chômeurs. Donc, la commission Raoul-Sirois demande que cette compétence-là soit transférée au fédéral et tout de suite après, en 1941, le gouvernement fédéral a établi l'assurance chômage. Et relativement à la jungle fiscale, le rapport Raoul-Sirois a été très centralisateur. En un mot, on sait que les temps de crise, les temps de guerre favorisent la centralisation dans le fédéralisme canadien. Et ce qu'a demandé la commission Raoul-Sirois, c'était la centralisation au niveau du gouvernement fédéral de l'impôt sur le revenu des particuliers, de l'impôt sur le revenu des sociétés et des droits de succession. En un mot, le rapport Raoul-Sirois demandait que les grandes taxes directes soient sous la responsabilité du gouvernement fédéral qui remettrait une partie de cet argent-là aux provinces. Et aussi, le rapport de Raoul-Sirois recommandait des subventions nationales compensatoires. En un mot, la commission Raoul-Sirois a été le penseur des paiements de péréquation que nous connaissons actuellement. Cette commission royale, comme toutes les autres, n'a pas pouvoir exécutoire, M. Bélanger. Il a donc fallu que ces recommandations soient entérinées par le gouvernement fédéral et les provinces. Comment est-ce que les recommandations de la commission Raoul-Sirois sont passées dans les faits? Tantôt, j'ai mentionné que la première recommandation sur le transfert au gouvernement fédéral du secours aux chômeurs s'est implantée en 1941 par l'assurance chômage. Les provinces ont consenti que le Dominion s'occupe de l'assurance chômage. Pour la question de la taxation au Canada, vous savez que suite après le rapport Sirois, le Canada était en guerre et là, le fédéral a obtenu le sentiment des provinces que les provinces lui accordent leurs impôts directs. C'est les accords de localisation des impôts qui a existé de 1941 à 1947, mais qui s'est prolongé en fait au Canada jusqu'à 1957. La crise, dû à son importance, a placé dans les sociétés canadiennes, tout le problème des assurances sociales. Et la guerre, en fait, donnait une espèce de répit à répondre à cette nouvelle demande. La guerre a permis d'acheter du temps. On faisait l'effort de guerre, les taxes étaient fort élevées pour que le gouvernement fédéral ait des ressources pour l'effort de guerre, en un mot pour payer des soldats, pour payer les voyages, les munitions et autres, mais ça donnait au gouvernement fédéral un répit pour penser les politiques d'après-guerre. Et là-dessus, il faut voir que les politiques sont envisagées en ayant tout le temps en pensée le problème de la grande crise. Donc, problème de l'auto-chômage et problème aussi d'assurer aux gens une sécurité de revenus, des assurances sociales assez généralisées. Mais si la guerre donne un répit au gouvernement fédéral, M. Bélanger, la guerre aussi va donner des possibilités nouvelles au gouvernement, puisqu'on voit croître le rôle de régulateur de la vie économique dans les faits du gouvernement fédéral, un gouvernement fédéral qui non seulement a des pouvoirs de guerre, donc des pouvoirs de réglementation de plus en plus importants, mais aussi a des pouvoirs financiers, des possibilités financières accrues de par maintenant son contrôle des impôts directs. C'est très juste. Mais le point majeur, je pense, c'est que la crise avait engendré des demandes. Et au niveau du welfare state, des assurances publiques, vous avez eu la même évolution. Premièrement, dans le monde anglo-saxon, on faisait référence souvent à la Nouvelle-Zélande, qui avait implanté vers 1938 tout un programme généralisé d'assurance chômage, d'assurance médicale, d'allocation familiale, ainsi de suite. Et vous avez eu en Grande-Bretagne un rapport important qui s'appelle le rapport Beveridge. En un mois, 1942, Lord Beveridge a publié un rapport qui prônait le welfare state, les mesures d'assurance publique généralisées. Et mesures qui étaient populaires parce que le monde avait conscience de toute la misère qu'ils avaient connue durant les années 30. Et au Canada, vous avez eu un rapport, le rapport Marsh, en 1943. Et dès le discours du taux de 1943, le gouvernement Mackenzie-Cain avait promis l'établissement d'un programme national d'assurance sociale. Donc, vous voyez là la volonté gouvernementale exprimée dans le discours du trône de se lancer dans des nouvelles mesures universelle d'assurance sociale. Mais il faut prendre compte que ces mesures-là, ce sont des mesures coûteuses et des mesures nouvelles. Donc, ça demande un moment de réflexion, surtout si on se met dans le fédéralisme canadien. Des fois, ça demande aussi des amendements constitutionnels pour que le gouvernement fédéral puisse implanter ces mesures. Ce moment de répit, ce moment de réflexion, ce délai avant qu'on mette en place les premiers éléments de cet outillage nouveau d'intervention, ce sera la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre va poser un défi important à l'État canadien, un second défi en moins de 10 ans. Mais alors qu'on a réagi lentement et timidement au choc de la Grande Dépression, on va voir la socio-économie canadienne réagir vite et très efficacement au défi de la guerre. L'économie canadienne va se restructurer dramatiquement. En septembre 1939, la défense nationale, c'était moins d'1% du revenu national canadien. Au début de 1941, moins de 18 mois plus tard, un travailleur sur cinq au Canada participait à l'effort de guerre. C'est 20% du revenu national. Une telle réorganisation ne s'est pas effectuée d'elle-même, évidemment. Il a fallu mettre en place toute une série d'institutions nouvelles, dont les plus importantes ont été peut-être un ministère des munitions et des approvisionnements et un office de contrôle du commerce et des prix en temps de guerre. Le premier organise la production, le second contrôle les prix. En plus, évidemment, le gouvernement va augmenter les impôts sur le revenu et éponger l'épargne encore disponible en vendant des bons de la victoire. Entre 1939 et 1944, on va mobiliser, on va courtiser, on va faire appel au patriotisme et on va utiliser le système économique conventionnel, tout cela pour produire ce dont ont besoin les forces alliées. C'est peut-être 700 000 chômeurs qu'on va embrigader dans l'effort de guerre, plus de 150 000 femmes qui vont être encouragées à sortir du foyer pour aider l'effort de guerre. C'est une volte-face par rapport à ce qu'on avait vu dans les années 1930, au moment où le chômage croissant avait fait qu'on avait voulu éliminer les femmes en bonne partie du marché du travail. André Lévesque est professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa. Voilà, les années 30, alors qu'on voulait que les femmes retournent chez elles, il n'y en avait pas tellement sur le marché du travail, mais enfin, celles qui étaient là, on leur disait bien que leur place était à la maison, les travaux domestiques, etc. Arrive la guerre, et là, on fait encore appel à leur sens du devoir, et on leur fournit des moyens de prendre un emploi. Par exemple, on établit des garderies, qui sont beaucoup plus populaires, il faut le dire, au Canada anglais, à Toronto, qu'à Montréal. Mais quand même, on leur donne les moyens. Le discours change. On est loin d'avoir un salaire égal pour travail égal. Et on a aussi presque promis aux syndicats que c'était une mesure temporaire et que dès la fin des hostilités, les femmes retourneraient chez elles. Et c'est ce qu'on a fait très souvent. Si on pense aux usines canadaires ou bon, aux usines de munitions et tout, il y a eu toute une propagande très bien orchestrée pour que les femmes retournent à leur foyer après la guerre. Donc, les femmes étaient perçues par les syndicats comme une concurrence déloyale. Ah oui, et ça depuis très longtemps, parce que regardez, les stéréotypes qu'on applique à la main-d'œuvre féminine, il faut l'admettre, sont très souvent vrais. C'est une main-d'œuvre qui est docile, qui est plus facilement exploitable, qui travaille à des salaires moindres. Pas par choix, évidemment. Bon, elle est moins bien organisée. Et à cause de ça, on l'a toujours perçue comme rivale, déloyale. Parfois, on ne se rendait pas compte, par exemple, que les femmes faisaient des travaux que les hommes ne feraient pas de toute façon. Alors, c'était des secteurs qui étaient des secteurs féminisés et ce n'était vraiment pas en concurrence directe. Si on regarde des secteurs comme la construction, les usines métallurgiques, il y a toutes sortes de secteurs qui sont relativement bien payés où il n'y avait aucune femme qui faisait de la concurrence. Et pendant la guerre, un peu plus, là, on a vu des femmes occuper des emplois qui, avant, étaient occupés par des hommes. Dans l'industrie, ou transport en commun, conducteur d'autobus, des choses comme ça. Ça, c'était évident que c'était pour être temporaire. S'il est vrai que l'on reviendra à une certaine division sexuelle du travail assez traditionnelle dans certains secteurs dans l'après-guerre, on sait qu'il y aura malgré tout un certain décloisonnement de cette division des tâches, que l'entrée massive des femmes sur le marché du travail ne va pas être un phénomène temporaire. La Seconde Guerre mondiale va aussi être un moment important d'accélération dans l'économie canadienne, un point de passage dans toutes sortes de directions. Le gouvernement va créer une économie planifiée pendant la guerre et se donner les instruments bureaucratiques nécessaires à une telle gestion. Ce sera l'occasion aussi de consacrer le mouvement de centralisation des finances publiques que la réaction à la Grande Dépression avait amorcé. Ce sera enfin le moment d'une collaboration intime avec les États-Unis, collaboration étroite entre les agences administratives des deux pays pour les fins de la guerre, collaboration qui va effectivement amener le Canada à accepter presque normalement, à cause des conditions de guerre, que les priorités définies ailleurs, par les Alliés d'abord, puis par les Américains ensuite, accepter que ces priorités conforment la vie économique canadienne. Accélération du développement, mais aussi donc mise en place d'un cadre de développement, d'un pattern de développement qui va contraindre l'expérience de la socio-économie canadienne dans l'après-guerre. Irving Bleacher est économiste à l'Université McGill. Il a étudié l'évolution de l'économie canadienne avant et après la Seconde Guerre mondiale. Avec la guerre, dans un sens, on peut dire que l'économie canadienne a commencé une transition d'une économie à peu près infantile à une économie en voie de développement dans cette période. Avec l'expérience des 30, le public qui sont intéressés à des choses comme ça, ont commencé à réaliser qu'il y a des choses pour le gouvernement, pas simplement les polices et les transportations et les choses comme ça, mais il y a des fonctions vraiment économiques qu'il est nécessaire pour le gouvernement pour faire. Ça veut dire qu'on peut voir un changement important dans les perceptions des publics et aussi dans les perceptions des politiciens de cette période. Certains ont pu dire que cette adolescence de l'économie canadienne, elle a entraîné une dépendance très rapidement de l'économie canadienne, puisque à l'occasion de la guerre, il y a eu coordination très grande avec l'économie américaine et que les priorités canadiennes ont été en fait les priorités définies par les États-Unis. Est-ce qu'on peut dire que cette adolescence qui vient avec la guerre va être un peu un signe avant-coureur d'un type de développement très étroitement lié à l'économie américaine? Oh oui, on peut dire ça, vraiment. À mon avis, c'était une chose naturelle. Les deux voisins économiques, seulement pas économiques, mais culturels et dans beaucoup d'autres manières. Il faut aussi souligner que dans cette période, Canada avait des relations très, très intimes avec la Grande-Bretagne. Très intimes. Et dans cette époque dans laquelle on peut voir le commencement d'un déplacement de la Grande-Bretagne par les États-Unis. Est-ce que la Seconde Guerre mondiale, M. Bleacher, va consacrer ce déplacement, va faire que le Canada va sortir de la Seconde Guerre mondiale définitivement intégré avec les États-Unis? Oui, oui, je pense que oui. Parce que c'est les forces naturelles, économiques. On avait des choses comme le tarif, avec l'objectif d'empêcher ça. Et c'est une chose très paradoxale, parce que en essayant d'empêcher ça, on a le tarif et des autres choses, ça fait plus des investissements américains. Et avec la guerre, les forces naturelles étaient très, très fortes. Et c'était un développement, je pense, qu'on ne pouvait pas arrêter. Oui, on pouvait peut-être arrêter si on a construit un mur comme le Berlin Wall ou quelque chose comme ça. Mais si on pense que les politiques monétaires, des politiques fiscales, des politiques de commerce, dans tous les sens comme ça, c'était des relations naturelles et des relations dans lesquelles le Canada pouvait devenir riche. C'est assez simple, à mon avis. Cette dérive toute simple, toute naturelle de l'économie canadienne, elle va se continuer évidemment dans l'après-guerre et elle va s'approfondir. De fait, cette dépendance économique par rapport aux États-Unis, consacrée par la guerre, elle va être au centre de l'un des débats les plus longs et les plus difficiles dans les années 1950 et 60 au Canada. Certains, tout en reconnaissant qu'il y a des coûts à cette intégration plus poussée à l'économie américaine, ont suggéré que les avantages dépassaient largement les coûts. D'autres, au contraire, ont décrié ce choix d'une stratégie de développement et ont suggéré que des coûts énormes y sont attachés, des coûts dont le moindre n'est peut-être pas la dépossession de toute identité canadienne. La prochaine fois, nous allons jeter un coup d'œil sur l'emprise de structures créées par la Seconde Guerre mondiale et sur les forces qui ont déclenché l'envahissement du Canada par les capitaux américains dans l'après de la Seconde Guerre mondiale.